Dis-moi qui peut me bloquer quand je débarque en chante trop. Mais dis-moi qui fait la loi dans le plus rare, que je le détrône pour que je puisse prendre sa place. Au mic, je suis l'accro, appelle-moi le boss des boss. Tu peux aussi m'appeler le patron qui veille sur tous ces gosses. M, c'est moi, je t'étale, je vais voir là-bas et prévois un gilet pare-balles avant de m'apercevoir. Ok.